Anneau. Carmel. Boudeur. Usine à Suchard. Tolo. Entrefesse. Échalote. Entrée des artistes. Coupe-cigar. Tiracoudre. Cyclope. Entrée du ramoneur. Orchestre. Contre-sens. Étoile du soir.